Chapitre 5e. Je reçus encore une douzaine de propositions semblables. Il m'en vint de tous les côtés, d'amis et d'inconnus, par la voix des journaux et par lettres anonymes. On eût dit que l'éducation de Suzanne était un point capital dans la politique européenne. Ma politique intérieure, à moi, me fit considérer ses ennuis comme hygiéniques au point de vue moral, car dans cette lutte pour me défendre contre les intrus, j'acquis une fermeté de volonté que je n'avais pas précédemment, et qui me fut plus tard d'un grand secours. À vrai dire, ce n'est pas seulement l'immixtion étrangère qui m'apprit à vouloir fermement, ce fut ma mignonne Suzanne, que j'adorais, et l'adoration est un déplorable système d'éducation. Dans mon grand désir de la voir heureuse, j'avais oublié que sa mère, qui savait l'aimer elle, avait dû résister quelquefois à de petits caprices, de légers moments d'humeur. Moi, aveugle dans ma tendresse, j'avais tout accordé, me faisant patient et débonnaire, de peur de me voir quinteux et violent. Le résultat fut complètement opposé à mes prévisions. Mais il dut remplir d'aise le cœur de ma belle-mère, car Suzanne ne mit pas 18 mois à devenir insupportable. C'est alors que je voulus déployer la fermeté nouvellement acquise dont j'étais si fier. Mais Suzanne n'entendait pas de cette oreille-là. Ma première révolte, car les rôles étaient intervertis, et c'est moi qui me révoltais contre sa tyrannie, ma première révolte la plongea dans une profonde stupéfaction. « Mais papa, tu ne comprends pas, je veux aller me promener. »« Je comprends très bien, mais tu es enrhumé et tu ne sortiras pas. »« Mais papa, puisque je veux aller me promener. » Elle me regardait de ses beaux yeux bleus, avec une fixité étonnante, et semblait vouloir faire pénétrer dans mon esprit fermé l'intelligence de ses paroles. Lorsqu'elle comprit que je résistais, elle me regarda encore, mais cette fois avec une sorte d'indignation. « Comment ? » semblait-elle dire. « Tu ne veux pas ce que je veux ? Est-ce possible ? » Une fois convaincue que je ne voulais pas, elle déploya une résistance au moins comparable à la mienne. Moi, qui avais eu tant de peine à me faire une volonté, j'étais ébahi de voir une petite fille de 4 ans me tenir tête. Je recourus alors aux grands moyens. Certains jours, vers 6 heures, nous revenions d'une longue promenade à pied. Je multipliai ces exercices pour fortifier Suzanne qui grandissait trop vite. Elle s'était obstinée à prendre sa poupée, et après lui avoir conseillé à plusieurs reprises de n'en rien faire, je lui avais annoncé qu'elle la porterait seule jusqu'au retour. Elle s'était soumise à cette condition avec un petit air entendu qui n'annonçait rien de bon, et je m'attendais à un orage. En effet, comme nous passions sur le boulevard des Italiens, Suzanne me tira par la main et me dit « Père, je suis fatigué, porte ma poupée. » Je regardai ma fille, ses yeux railleurs m'annonçaient que le moment de la lutte était venu. Je lui répondis tranquillement « Tu sais que tu te la portais toi-même jusqu'à la maison. » Suzanne se remit en marche sans répondre. 2 minutes après, elle réitéra sa demande et je réitérai ma réponse. Elle s'était remise à marcher en silence et je m'applaudissais du succès de ma fermeté lorsque tout à coup, mon jeune démon s'arrête, se campe fermement sur ses 2 petites jambes et d'une voix claire comme le cristal. « Papa, je veux que tu me portes ma poupée !» Au son de cette voix vibrante, 2 ou 3 passants s'étaient retournés. J'étais fort embarrassé, et certes, si j'avais pu me tirer de là par un sacrifice d'argent, j'aurais probablement écourné sans regret ma fortune. Mais nul secours n'était possible. Je pris donc ma fille par la main et je voulus presser le pas. Elle se laissa tomber sur l'asphalte, s'assit résolument par terre, mit sa poupée devant elle et me cria, de cette même voix perçante, « Je ne marcherai pas !» Un murmure peu flatteur s'éleva du cercle qui grossissait autour de nous. Les uns prenaient parti pour moi, d'autres pour l'enfant, et je courais risque d'être invectivé par quelques gamins si la scène se prolongeait un instant de plus. J'appelais toute ma raison à moi, j'enlevais la petite fille dans mes bras, tout en ayant soin de laisser la poupée à terre, et je sautais dans une calèche qui passait. « Votre poupée, monsieur !» cria un gamin en lançant dans la calèche la poupée qu'il tenait par une jambe. Suzanne, très saisie, voulait reprendre son jouet. Je le lui enlevai et le rejetai sur le macadam, où il fut broyé à l'instant par une voiture. « Ma fille !» s'écria Suzanne, qui fondit en larmes. « Tu n'as pas voulu la porter, lui dis-je d'un ton sévère, et tu savais que je ne la porterais pas. » Suzanne détourna la tête et se mit à dévorer ses sanglots. Elle me boudait. Je ne pouvais apercevoir son petit visage sillonné de larmes, mais je sentais de temps en temps le frémissement de son vêtement contre le mien. Mon cœur saignait. Jamais elle ne m'avait boudé. En voulant briser sa résistance, avais-je perdu le cœur de mon enfant? Cependant, en dedans de moi-même, il me semblait avoir bien fait. Nous rentrâmes à la maison, toujours silencieux. Je la descendis de voiture. Au lieu de m'embrasser comme elle le faisait toujours pendant ce rapide passage dans mes bras, elle détourna son visage. Je ne dis rien. Le dîner était servi. Elle mangea peu et en silence. Sa bonne vint la chercher pour la coucher. Elle s'approcha, mais sans me faire aucune de ces caresses qui prolongeaient toujours d'un quart d'heure au moins son séjour auprès de moi. Je la baisai au front, elle se laissa faire et partit, toujours muette. Resté seul, je me sentis très malheureux. Si cette petite pouvait concevoir et conserver un tel ressentiment, j'avais tout à craindre de l'avenir. N'étais-je pas coupable, moi aussi, d'avoir trop exigé d'un seul coup? N'aurais-je pas dû procéder par degrés, au lieu d'offrir une résistance invincible? En cette circonstance, ma chère femme ne serait-elle pas mécontente de moi? J'interrogeai son souvenir à toutes mes heures de détresse. Je me dirigeai vers la chambre bleue, chambre toujours sacrée, où le lit de Suzanne était près du mien, et je m'appuyai sur l'oreiller, à la place où Marie avait rendu le dernier soupir. « Que dis-tu ? » murmurai-je tout bas. « Que penses-tu de moi ? Ai-je bien fait ? Ai-je mal fait ? Que faut-il faire pour qu'elle soit heureuse ?» Une larme que je ne pouvais plus retenir roula sur l'oreiller, et je m'assis sur le lit, bien là, bien triste. Un sanglot étouffé sortit du berceau de Suzanne. Je me penchai sur elle, ses grands yeux brillants de larmes me regardaient dans l'ombre des rideaux bleus. Elle retint encore un sanglot, mais garda le silence. « Qu'as-tu, ma petite fille ? » lui dis-je profondément ému. « Tu ne dors pas ?»« Suzanne ne peut pas dormir, » répondit-elle, « parce qu'elle a fait de la peine à papa. Suzanne a été méchante, oh, si méchante !» Elle tourna son petit visage sur l'oreiller qu'elle étreignit dans ses deux bras, et son pauvre cœur se fendit en lourds sanglots. Je l'enlevai du lit dans sa longue robe de nuit. Elle avait l'air d'un ange. Elle se pencha sur mon épaule et pleura, mais avec moins d'amertume. « Es-tu fâché d'avoir fait de la peine à ton père ?» lui dis-je. Je brûlais de l'embrasser, mais je n'osais encore, craignant, par un pardon trop vite accordé, de perdre le fruit de son repentir. « Oh oui, » répondit-elle, « bien fâché. Depuis que je t'ai fait de la peine, je n'ose plus t'embrasser. » Je la serrai dans mes bras pour tout de bon cette fois, et je l'emportai sur le lit, à la place où sa mère était morte. « Demande pardon à papa et à maman qui est au ciel, et à qui tu as aussi fait de la peine. » L'enfant joignit nos deux noms dans son humble prière, et je sentis que ma femme était auprès de moi.